Exercice 4. Vous allez entendre 5 petits dialogues correspondant à 5 situations différentes. Il y a 15 secondes de pause après chaque dialogue. Notez, sous chaque image, le numéro du dialogue qui correspond. Puis vous allez entendre à nouveau les dialogues et pourrez compléter vos réponses. Regardez les images. Attention, il y a 6 images. A, B, C, D, E et F. Mais seulement 5 dialogues. 1. Monsieur, est-ce que vous pouvez répéter la conjugaison du verbe être? Oui, bien sûr. Pose ton stylo sur la table et répète avec moi. Deux. Je n'aime pas le restaurant de l'université. Où est-ce que tu manges alors? Je préfère me préparer mes repas. Trois. Papa, est-ce que tu peux m'aider avec mes devoirs? D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Ce sont des exercices de mathématiques. Quatre. Eric, où vas-tu? Je vais à la bibliothèque. Je dois emprunter des livres. Cinq. Qui est la femme avec tous les livres là-bas? C'est Madame Vega, la nouvelle professeure de français. Un. Monsieur, est-ce que vous pouvez répéter la conjugaison du verbe être? Oui, bien sûr. Pose ton stylo sur la table et répète avec moi. Deux. Je n'aime pas le restaurant de l'université. Où est-ce que tu manges alors? Je préfère me préparer mes repas. Trois. Papa, est-ce que tu peux m'aider avec mes devoirs? D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Ce sont des exercices de mathématiques. Quatre. Eric, où vas-tu? Je vais à la bibliothèque. Je dois emprunter des livres. Cinq. Qui est la femme avec tous les livres là-bas? C'est Madame Vega, la nouvelle professeure de français.